Bienvenue dans mon usine, il me fait mes sprouts. Dans ma réservation, y'a du sang sur les portes. Les enceintes sont gonflées, shootées aux stéroïdes. Lorsque je lance le PC, y'a des vapeurs acides. L'ONU s'est ramené, les voisins ont appelé. Soupçonne une arme atomique nommée MPC, appelle-moi MacGyver. Avec un jour dans une brique, je te fais une prod de malheur. Elles sont t'arrache le cœur. À l'heure où je te parle, j'ai trois bombes d'un chargeur prêt à être exploité, signé FBK Studio, Tchernobyl. Un jour tout va péter, pas une bête de nuages, des oreilles. J'ai soigné vos tympans à coups de marque en piqueur. J'entends déjà les pimpons, les filles perdent leurs tampons. J'ai le son qui les coiffe, j'en ai coupé mes 13. Mec, chante à détresse, c'est ton mal de paix. Fortement irradié, mon sub t'a broyé. T'as voulu surnager, tu t'es quand même noyé. Les micros sont chargés de nitroglycérine. Toi et ton odeur d'urine, sors de mon usine. Infamous Prod, bienvenue dans l'usine. Y'a des cadavres par terre, les murs sont en ruine. Infamous Prod, derrière ma porte en fer, tu vas comprendre ton père. D'ici fait l'enfer. Les mauvaises langues diront j'ai du rap de bourrin. Car à défaut de batterie j'ai mes rythmes au burin. Planquer les enfants à ma nouvelle berceuse. J'ai pas trouvé de clochette, j'compose à la berceuse. Tu veux venir dans mon entre, n'aie pas peur des flammes. Te fie pas à mon charme car sombre est mon âme. Les rappeurs sont choqués, c'est quoi FBK, c'est lourd, ça gêne, même les sources se plaignent. On sème la pagaille dans le monde musical. Anarchie et chaos, j'crache mes rimes, tu chiales. Les MC d'intérim viennent sur mon chantier, veulent tenter leur chance, ils mettent même à chanter. Mon studio s'énerve, barrage dans l'entier. La bulle me fait mes sprouts, peut nuire à la santé. Leur marcher sur mes pas, à sauter sur une mine. Prends ta jambe, casse-toi, sors de mon usine. Il me fait mes sprouts, bienvenue dans l'usine. Y'a des cadavres par terre, les murs sont en ruine. Il me fait mes sprouts, derrière ma porte en fer. Tu vas comprendre ton père, d'ici c'est l'enfer. Il me fait mes sprouts, bienvenue dans l'usine. Y'a des cadavres par terre, les murs sont en ruine. Il me fait mes sprouts, derrière ma porte en fer. Tu vas comprendre qu'en fait ici c'est l'enfer. Infamous Prod, t'es pas prêt pour ça. Psyche Lucas, FPK c'est par là. Infamous Prod, ça du taf chez moi. Augmente le niveau, tu vas souffrir. Blah. Du fabuleux pétrole sonore. J'étais parti partisan du max d'effort. Sur le chemin se poussait des marches pingouins pour la péter. Quand d'un coup le sol s'est mis à trembler. Fissuré, craqué, un jet sur m'a pénétré. L'endroit repéré, j'ai saisi ma pelle et puis j'ai creusé. Sueur dégoulinant, ragoûtante. Après 5 heures j'arrive dans son antre. Direct j'tombe sur un savant fou qui crie entre. Non, un pan en avant, creusé passe deux pas en arrière et blanc sur le flanc, tête de gland. Deux jours au midard, me v'là l'indien du placard. À ma sortie, au travail j'suis soumis. Écrirai, brailler pour l'éternité. Voilà j'suis maudit. Les prods me font peur, à chaque pile c'est l'horreur. Les gens flagent, limite je pleure. Des atmosphères stressantes, ambiance puissante, stridente. Qu'on pousse dans la porte. À moi que je relève la tête et le micro. Que j'affronte ce barjon en lui sortant un rap de derrière les wagons. Les semaines passent, mon atelier dans le